Audiomatique. Une transmission d'audiomatique ne pourrait pas prendre forme sans une première proposition des électronistes. Pour cette transmission 116, les électronistes vous suggéraient d'entendre le projet américain Ground is Lava, mené par le Californien Jasper Patterson, qui nous présentait la chanson Panorama, remixée ici par Clive Tanaka et Beau Noise, pièce que l'on peut retrouver sur le premier album homonyme de Ground is Lava, lancé en 2011. Tout est bruit. Le silence n'est que le catalyseur du bruit, puisque sans le silence, le bruit ne saurait exister. L'existence des sons se découvre dans le contraste avec le silence. Les sons deviennent cosmiques. Le cosmos n'est que bruit silencieux. Le bruit n'est que son, et le son n'est que bruit. Tout est son, même le silence. Tout n'est alors que bruit. Voici la formation Nothing But Noise et sa pièce Silencio Monofish. Thank you.

La formation suédoise Carbon-Based Lifeforms nous faisait planer avec la pièce-titre de son album Hydroponic Garden, paru en 2003. Et avant Carbon-Based Lifeforms, nous écoutions le projet Nothing But Noise, composé notamment de l'artiste Daniel Bressanuti, qu'on connaît comme membre de la formation Front 242. Il nous propose ici une musique électro-ambiante dynamique influencée par ce qu'on nomme communément l'école berlinoise, dont les figures de proue sont des artistes comme Klaus Schulze et Feu Edgar Froese. De Nothing But Noise, nous entendions la pièce Silenzio Monofish, tirée de l'album Not Bleeding Red, paru en 2012. Nous en sommes à la troisième séquence de cette transmission 116 d'Audiomatique et le duo We Fell to Earth en assumera l'introduction.

Vous êtes toujours à Audiomatique en compagnie des électronistes et nous venons tout juste d'entendre le projet anglais Rival Consoles et la pièce 1985 tirée de l'album I.O. Précédemment à Rival Consoles, il s'agissait du projet californien Shlomo et la composition Rained the Whole Time, remixée par l'artiste franco-chilien Nicolas Jarr. Cette version se retrouve sur le mini-album de Shlomo, intitulé Vacation. Et pour débuter, nous avions droit au duo We Fell to Earth, formé de l'américaine Wendy Ray Fowler et du britannique Richard Feil, qui a fait également partie du groupe Uncle. De leur projet We Fell to Earth, nous entendions la chanson Lights Out de leur album homonyme. La transmission d'Audiomatique se poursuit avec Oathacre. Thank you. de download, nous entendions un remix de la pièce Bass Metal, version qui se trouve sur l'album EP Sidewinder. Et avant download, c'était le duo Otaker et la pièce Eartow de son troisième album Tri Repeaté, sorti en 1995. Une transmission d'Audiomatique ne serait jamais complète sans une conclusion digne de ce nom. C'est donc au groupe américain TV on the Radio que revient la responsabilité de vous faire comprendre que lorsqu'une chose, une action ou un événement est terminé, il n'est pas possible de le recommencer en espérant recréer ou améliorer ce que nous avons jadis vécu. Leur chanson « Careful You » sera donc le gage de l'unicité exclusive de cette transmission 116 d'Audiomatique. La fin d'une transmission d'Audiomatique n'est que le début de la prochaine. Les 116 transmissions passées assurent la perpétuation de la musique électronique sous toutes ses formes. Pour apprécier cette continuité, vous pouvez écouter les archives de notre transmission en vous rendant sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou ou encore sur mixcloud.com/audiomatique où certaines d'entre elles sont disponibles. Ne manquez pas la transmission 117 d'Audiomatique en direct sur les ondes de CFOU. Mercredi prochain dès 17h. D'ici là, nous vous laissons avec TV on the Radio et leur chanson « Careful You ». Bonne écoute et à l'année prochaine. Take the good with the past and believe we can make it somehow.